France Musique. Merci Elsa Boublil, à dimanche prochain. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Durant un mois, la 42e rue vous emmène à Broadway pour vous raconter la riche saison de comédie musicale qui s'est écoulée. Et nous démarrons cette semaine avec le spectacle qui a fait sensation, le retour triomphal d'Hello Dolly. Chaque soir, la salle du Schubert Theater offre une ovation à sa vedette, Bette Midler. On connaît en France Hello Dolly, surtout à travers le film avec Barbara Streisand et Louis Armstrong, mais Hello Dolly a d'abord été créée à Broadway. Ce matin, nous allons vous raconter l'histoire de la création de cette comédie musicale, l'histoire de son compositeur Jerry Herman, et nous allons écouter de larges extraits de cette toute nouvelle production. Out there, there's a world outside of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby, out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it glisten, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliantine and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume night, where the lights are bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's, and we'll close the town in our world, and we won't come home until we've kissed a girl. Put on your Sunday clothes when you feel down and out. Strut down the street and have your picture took. Just like a dream, your spirit seemed to turn about. That Sunday shine is a certain sign that you feel as fine as you look. Beneath your parasol, the world is all a smile that makes you feel brand new down to your toes. Get out your feathers, your patent leathers, your beads and buckles and bows. For there's no Blue Monday in your Sunday clothes. Come on, Barnaby, we're going to New York. Elevated trains, Barnaby, the lights of Broadway. Holy caboose! The stuffed whale at Barnum Museum. Wow! Come on! Don't cry on the valises. We haven't missed the train yet, thank the Lord. Hello, Lovely, you're improving. Now get all 11 pieces. We're 7 minutes late. Put on your Santa Claus, extrait du tout nouvel enregistrement paru chez Sony Masterworks de Hello Dolly, avec autour de Bette Midler, Gavin Creel, Taylor Trench, Will Burton et Melanie Moore. C'est le 16 janvier 1964 qu'a ouvert Hello Dolly à Broadway, avec un succès immédiat. La comédie musicale est en fait l'adaptation d'une farce signée Thornton Wilder qui se déroule au début du XXe siècle, une farce intitulée La Marieuse. C'est l'histoire d'une marieuse professionnelle pleine de verve et d'humour qui jette son dévolu sur un riche commerçant de la banlieue de New York qui a fait appel à elle pour se trouver une nouvelle femme. Dolly Levi utilisera tous les subterfuges pour ensorceler ce veuf et se marier avec cet homme très riche. Put on your Sunday clothes, c'est le moment où les villageois de cette bourgade, parés de leurs plus beaux habits du dimanche, prennent le train, direction New York, à la recherche de l'amour. C'est Bette Midler qui reprend le rôle titre dans cette comédie musicale. J'ai rencontré à New York le directeur musical de Hello Dolly, Andy Einhorn, impressionné chaque soir dans la fosse d'orchestre par l'ambiance dans le théâtre. Hello Dolly, c'est une aventure formidable. Cette possibilité de recréer l'œuvre incroyable de Jerry Harmon et à travailler avec Michael Stewart et l'étonnant Gower Champion. Et on a la possibilité de faire une production de luxe avec 23 musiciens, 38 artistes sur scène. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de faire une bonne vieille production de Broadway. Donc on a vraiment beaucoup de chance de se lancer dans cette aventure incroyable avec Bette Midler. C'est vraiment incroyable. Moi, je suis au 7e ciel, hein, à vrai dire. C'est l'expérience la plus fantastique que j'ai jamais connue. La réaction du public, tous les soirs, ou toutes les matinées d'ailleurs, c'est assez inhabituel. Surtout à notre époque si difficile, c'est incroyable de faire partie de ce projet qui aide les gens à se sentir bien, à se sentir heureux. Encore une fois, j'ai beaucoup de chance. C'est comme un concert de rock, d'ailleurs, j'en parlais avec un copain. Là, on a une bonne vieille comédie musicale qui est comme un concert de rock. Andy Einhorn, comment on dirige musicalement Bette Midler de la fosse d'orchestre ? Vous devez être très attentif. Oui, à tous les instants. Elle est absolument fantastique. Et moi, je m'éclate. C'est une musicienne hors pair, c'est une artiste accomplie, elle est humoriste. Oui, elle est humoriste, donc il faut suivre. J'adore l'écouter, elle délie les notes, elle est spontanée. Tous les soirs, c'est différent, c'est une artiste unique, en fait. J'ai commencé à travailler avec elle au mois d'avril, il y a environ un an. Jusqu'à la première, et tous les trois mois, on se réunissait. Puis on a eu les répétitions à partir du mois de janvier. Donc à partir du mois de janvier, là, c'était non-stop. Mais avant, on travaillait pendant une semaine ou 15 jours. On travaillait sur la musique. Parfois, on travaillait sur la chorégraphie avec Bette pour qu'elle ait un petit peu d'avance sur le projet, parce qu'elle tient un grand rôle quand même. Elle chante 9 morceaux, donc c'est quand même une grosse entreprise pour elle. Il fallait beaucoup travailler l'interprétation du texte. Pendant de nombreuses années, Carole Channing a chanté de manière très particulière. Mais si vous regardez regardez la production d'origine, ça a duré pendant 7 ans, et bien, il y a pas mal de femmes qui ont incarné ce rôle. Donc il fallait que Beth ait vraiment confiance et il fallait qu'elle s'approprie le texte parce qu'elle fallait qu'elle chante, qu'elle délie les notes pour ce rôle si iconique tenu par la célèbre Carol Channing. Donc il a fallu bien travailler pour prendre la partition puis l'adapter à Beth. Même par exemple le phrasé Dolly will never go away again. Eh bien là on a mis une petite fioriture. Dolly will never go away again, which really allows her to do sort of what comme I ça, think she has this great elle cry. Arrive à pleurer en quelque sorte, elle arrive à pousser une sorte de son très particulier. Voilà, avec cette respiration supplémentaire, elle peut délier les notes. Oh, Bette Midler et Dolly Levi, actuellement à Broadway dans cette reprise sensation de Hello Dolly. Comment est née cette comédie musicale Hello Dolly ? Eh bien, j'ai posé la question à New York à Richard Skipper, amateur total de cette comédie musicale. Il l'a littéralement vue des dizaines de fois et il a pu rencontrer et interviewer tous ses protagonistes. Je lui ai demandé d'abord qui était le compositeur de Hello Dolly, Jerry Herman, et comment il a débuté. Well, Jerry Herman, when he was a young boy, lorsqu'il était jeune garçon, Jerry Herman avait un don. La première comédie musicale qu'il a vue, c'était Annie Get Your Gun. Ses parents l'ont emmené à Broadway, il devait avoir 13 ou 14 ans. Et il est rentré chez lui, il s'est mis au piano et il s'est mis à jouer toutes les chansons d'oreille. Ce qui est intéressant chez Jerry, c'est qu'il ne savait pas lire la musique. Il ne savait pas écrire la musique. Il s'est joué la musique et quelqu'un d'autre écrivait la partition pour lui. Donc dans sa tête, il se mettait au piano, vous voyez, et dans sa tête, il jouait tous les morceaux. Et du reste, il y a une anecdote assez intéressante. Sa mère avait une amie qui connaissait la mère de Frank Loesser. Frank Loesser a rencontré Jerry Herman, qui était un garçon, et a dit à la mère de Jerry que son fils avait un don et qu'il fallait qu'il soit artiste. Donc, il a continué à travailler la musique et ainsi de suite. Il s'est mis à travailler pas mal de revues. Et c'était des revues off-Broadway, et il a écrit Parade avec Dirty Goodman, Charles Nelson Reilly. Et c'est ainsi qu'il a écrit les chansons de la comédie musicale Milk and Honey. C'était sa première comédie musicale à Broadway. Et lorsqu'il a entendu parler de Hello Dolly et le fait que The Matchmaker allait devenir une comédie musicale à Broadway, c'est ça qui l'a aidé à avoir le boulot pour Hello Dolly. Jerry Herman avait connu un petit succès à Broadway avec Milk and Honey. Et c'est intéressant de noter que, bien qu'il soit de Jersey City, pas loin d'ici d'ailleurs, lorsqu'il est venu voir le producteur David Merrick s'est dit qu'il était trop ethniquement marqué. Toute cette musique était quand même de la musique klezmer, de la musique juive, et il pensait qu'il ne serait pas indiqué pour un spectacle dans la pure tradition américaine. Donc son choix original, c'était de dire non. Et il a dit à Jerry, mais si tu reviens lundi, et si tu me donnes un échantillon de ce que tu sais faire, eh bien, dans ce cas-là, je te donnerai le boulot. Donc Jerry Herman est rentré chez lui, il a écrit « Got a New Set of Clothes »,« Dancing », I Put My Hand In, et évidemment Hello Dolly. Il a écrit ces quatre morceaux, il est revenu voir le producteur David Merrick et il a dit, voilà mon échantillon. Et évidemment, il a décroché le poste. Tell me, Mrs. Levi, what's in all this for you? A living, Mr. Kemper. Some people paint, some sew. I meddle. I have always been a woman who arranges things for the pleasure and the profit it derives. I have always been a woman who arranges things like furniture and daffodils and lives. When a man with a timid tongue meets a girl with a diffident air, why should the tortured creatures beat around the bush when heaven knows Mother Nature always needs a little push? So I put my hand in here, I put my hand in there. And a girl over 6'3" loves a man who comes up to her ear. Surely it's obvious she'll never be seduced till some kind soul condescends to give her beau a little boost. So I put my hand in there, I put my hand in there. I have always been a woman who arranges things. It's my duty to assist the Lord above. I have always been a woman who arranges things like luncheon parties, poker games, and love. My aplomb at cosmetic art turned a frump to a trump lady fair. She had a countenance a little bit like Scrooge, but oh, today you would swear the Lord himself applied the rouge. I put my hand in here and twist a little, stir a little, him a little, her a little, shape a little, mold a little, some poor chap gets sold a little. When I use my fist a little, some young bride gets kissed a little, pressure with the thumbs, matrimony comes when I put my hand in there. Une des quatre premières chansons écrites en un week-end par Jerry Herman pour Hello Dolly, le personnage titre Dolly Levi qui chante sa profession. Moi, je rassemble des mains, je marie, I put my hand in. C'est une chanson et un rôle créé en 1964 par une actrice exubérante, Carol Channing, qu'on vient d'entendre. Elle s'était fait connaître auparavant dans la comédie musicale Les hommes préfèrent les blondes. Laurent Vallière, 42e rue. France Musique. La création de Hello Dolly n'est pas pavée de roses. Jerry Herman en parle comme de sa pire expérience. Par exemple, en plein milieu des répétitions à Détroit, le producteur de Hello Dolly, David Merrick, panique. Il fait appel à d'autres compositeurs que Jerry Herman rencontre à son hôtel. Il devient complètement vert. Ce sera néanmoins, cette comédie musicale, un succès surprise. Comme l'explique Ken Bloom, un des meilleurs historiens de la comédie musicale américaine, il a aidé Jerry Herman à ranger ses partitions pour les déposer très officiellement à la bibliothèque du Congrès à Washington. Well, Hello Dolly, no one... Il n'y a pas eu de publicité pour Hello Dolly. Et Milk and Honey, ça avait connu le succès. Il s'agissait de la création de l'État d'Israël. Ils se sont dit, bon, c'était un succès parce qu'il y avait quand même des Juifs qui sont venus au spectacle. Mais ils étaient convaincus, néanmoins, qu'il était un grand compositeur. Dès le début de Hello Dolly, personne ne pensait que ça allait marcher. Et en fait, le lendemain de la première, David Merrick a dit, il faut aller au théâtre Saint James et voir quelque chose de très étonnant, parce que c'est la première fois de votre vie que vous allez voir quelque chose de la sorte. Et il y avait une queue interminable dans la rue. Et ça a été un succès immédiat. Mais personne n'aurait pu s'en douter. Le producteur David Merrick était tyrannique, difficile, mais il avait quand même donné de bons conseils à Jerry Herman. David Merrick a dit à Jerry Herman, pendant qu'il le regardait, et il a dit à Jerry, ne regarde pas la scène, regarde le public. En regardant le public, tu vas voir si ça leur plaît, s'ils s'ennuient, est-ce qu'ils sont tristes, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils ont envie de quitter le théâtre. C'est là que tu vas voir le succès de ton spectacle. Si tu regardes la scène, tu verras le spectacle par tes yeux. Il faut regarder les choses par les yeux du public. Yes, New York, it's really us, Barnaby and Cornelius. All the guests of Mr. Hackler, feeling great and look spectacular. What a knack there is to that, acting like a born aristocrat. We got elegance, if you ain't got elegance, you can never, ever carry it off. Agree, Minnie Fay has pedigree. Exercise your wildest whims tonight. We are out with diamond gems tonight. Could they be misleading us? Silver spoons were used for feeding us. We got elegance. If you ain't got elegance, you can never, ever carry it off. Don't speak of it, savoir faire. We reek of it. Some were born with rags and patches, but we use dollar bills. and bows to us. We've got elegance, we were born with elegance. Have you noticed when I hold my cup, the saucer never moves? And the way I keep my pinky up, indubitably proves that we've got elegance, we've got built-in elegance, and with elegance. Extrait de Hello Dolly à sa création en 1964, une chanson intitulée Élégance, écrite à plusieurs mains et pas seulement par Jerry Herman. C'est le moment où les employés du riche épicier Horace Vander Gelder à New York décident d'emmener deux jeunes filles dont ils sont tombés amoureux dans le restaurant le plus huppé de New York sur les conseils de Dolly Levi. If you ain't got elegance, you da-da-da-da-da-da, you can never ever carry it off. Elegance. If you ain't got elegance, if you ain't got elegance, you can never ever carry it off. Je m'appelle Sandra Lee. I played, je jouais Minnie Faye. S'appelle Minnie Faye. Mademoiselle Sandra Lee faisait partie de la création de Hello Dolly à New York en 1964. Elle incarnait l'une des deux jeunes filles dont tombaient amoureux les employés de Horace Vander Gelder. J'ai rencontré à New York, à Manhattan, dans sa petite maison au-dessus d'un grand building. Francophile, elle fut aussi la petite amie de Mouloudji et elle raconte au micro de France Musique comment tout a commencé pour elle. Oh, it's so long ago. Oh, ça remonte. Je ne me souviens pas très bien. Mais on a répété ici, à New York, je crois. On était un groupe assez exceptionnel, hein, tous les quatre. Il y avait Cornelius, Barnaby, Mrs. Malloy et moi. Nous étions très unis, unis par le script. Cornelius... Charles Nelson Reilly. C'était Charles Nelson Reilly, Mrs. Malloy. C'était Eileen Brennan. Et le rôle de Barnaby changeait sans cesse. Il était sans cesse renvoyé. On en embauchait toujours des nouveaux, je ne sais pas pourquoi. C'est vous dire l'importance de la distribution pour Gower. Moi, j'étais danseuse et actrice. Eileen était chanteuse et comédienne, humoriste. Et chacun était très particulier. Chacun avait ses propres compétences. La distribution était du coup très étincelante parce qu'on est tous tombés amoureux les uns des autres. Et on adorait les paroles. Parce que nous étions comédiens. Pas simplement des musiciens, nous étions sur scène pour jouer. Et le secret de Hello Dolly, à mes yeux, hein, ça tient non pas à Carol Channing, non pas au chorégraphe ou au metteur en scène, mais ça tient à la qualité du texte. C'est le chorégraphe Gower Champion qui a fait appel à Sandra Lee pour Hello Dolly dans les années 60. Plus tard, c'est à lui qu'on devra notamment la comédie musicale 42e rue. Quel style de chorégraphe était-il ? But you see, Gower's as a dancer. Comme danseuse, moi j'ai travaillé avec des grands chorégraphes. J'ai travaillé avec Jérôme Robbins, c'est un génie. Mais Gower, lui, c'est comme un peintre dans l'action. Ses chorégraphies sont comme une peinture dans l'action. Gower, il voit de la couleur, il voit du mouvement. Il voit cet aspect-là de la danse. Alors qu'un chorégraphe comme Jérôme Robbins, lui, il est différent. Il a une ouverture d'esprit complètement différente. La danse des serveurs, par exemple. Vous savez, les serveurs, lorsqu'ils rendent hommage à Dolly, ben ça, c'est typiquement Gower Champion. C'est pas sentimental pour un sou, mais c'est tout dans le mouvement et la puissance. Thank you. Waiters Gallop, la danse des serveurs chorégraphiée en 1964 par Gower Champion au fameux restaurant Harmonia Gardens avant tout à l'heure l'entrée en fanfare de Dolly Levi en haut d'un magnifique escalier. Ce numéro, cette danse des serveurs a été complètement préservée dans la reprise actuelle du spectacle à Broadway avec Bette Midler. Ce matin, la 42e rue de France Musique se transporte à Broadway pour vous faire découvrir ou redécouvrir Hello Dolly. Il faut savoir qu'à sa création, cette comédie musicale restera à l'affiche 7 ans avec de nombreuses personnalités qui vont se succéder dans le rôle titre, Pearl Bailey, Marie Martin, mais aussi celle pour qui Jerry Herman avait écrit le spectacle. Celle qui l'avait impressionné dans la comédie musicale Annie Get Your Gun, Ethel Merman, une grande actrice avec une voix puissante. Et bien voici un enregistrement rare d'Ethel Merman dans une chanson composée sur mesure pour elle et qui fut finalement supprimée de Hello Dolly, World Take Me Back. I've sliced my slice of life a little thin, haven't I, Ephraim? I've been on the outside looking in, haven't I, Ephraim? Well, from now on, Ephraim, all that's gonna change. The world is full of wonderful things, a bushel of wonderful things for me to believe in. So world, take me back. I wanna be part of the human race again. Goodbye to all my trouble and tears. I've wasted so many odd years. It's time to get even. So world, take me back. I wanna let laughter light up my face again. Oh, no more peeking through the keyhole. I intend to have my own key. No more sneaking past the parlor. From now on, it's me sitting on the settee. 'Cause today's a day to holler about, for after just sitting life out since heaven knows when. My step has a spring and a drive. I'm suddenly young and alive. You wonderful world, take me back again. The world is full of Aprils and Junes, red roses and yellow balloons for me to hang on to. So world, take me back. I wanna be part of those good old days again. Whatever happened to those wonderful sights, those dancing the night away nights? Oh, where have they gone to? So world, take me back. I wanna be there when the gas lights blaze again. From the sidelines, I intend to star in the show. No more reaching for tomorrow. From now on, I stand with today in my hand. For today, the world is ripe as a peach. It's gonna be mine till I reach 110. My step has a spring and a drive. I'm suddenly young and alive. You wonderful world, take me back again. Un enregistrement rare d'une chanson coupée de Hello Dolly interprétée par Ethel Merman dans les années 60, World Take Me Back. 50 ans plus tard, Hello Dolly est la sensation de la saison à Broadway en 2017. Et j'ai demandé à Ken Bloom, qui a bien connu Jerry Herman, qui a catalogué pour lui ses partitions déposées à la librairie du Congrès américain de Washington, quel genre d'homme il est, Jerry Herman. Jerry is a really, really nice person. Oh, Jerry, c'est un type très, très sympa. Il est très courtois en plus. Cela dit, il a une forte personnalité. Et sur le plan artistique, il sait ce qu'il veut. Et puis, il a un très bon goût. J'ai un livre de Chanel Couture. Jerry l'a lu et il a repéré différents costumes. Il a dit, ça, ce serait pas mal pour tel personnage. Ce costume-là, il serait bien pour Vera. Voyez, c'est un très bon décorateur d'intérieur, Jerry. Il achète des maisons, il les redécore, il les revend. Et avec la plus-value, il rachète une maison plus grande. Et du reste, il a plus gagné d'argent dans l'immobilier qu'à Broadway. Comment définir la musique de Jerry Herman, Ken Bloom? Qu'est-ce qu'avait de si spécial cette comédie musicale, Hello Dolly, pour qu'elle résonne encore autant aujourd'hui? La musique de Jerry est chargée d'émotions. Et c'est du Broadway très traditionnel. Jerry a écouté tous les grands classiques de Broadway. Cela dit, il a quand même un style qui lui est propre, mais ça repose sur ceux qui l'ont précédé. Toute sa musique est chargée d'optimisme aussi. Alors évidemment, pendant la comédie musicale, il y a des vicissitudes, mais tout se termine bien, les gens sont heureux. Et je crois que les spectateurs aiment bien ce que fait Jerry Herman, pas simplement parce que les chansons sont géniales et étincelantes, mais parce que c'est bourré d'émotions. Dans Hello Dolly, par exemple, il y a la chanson « It only takes a moment » et « Ribbons down my back », ça c'est le cœur de Hello Dolly. I'll be wearing ribbons down my back this summer. Streaming in the yellow sky. So if someone special comes my way this summer, he might notice me passing by. I'll try to make it easier to find me in the stillness of July, because a breeze might stir a rainbow up behind me that might happen to catch the gentleman's eye, and he might smile and take me by the hand this summer, making me recall how lovely love can be. Une chanson tendre pour un personnage secondaire d'Hello Dolly, Ribbons Down My Back, extrait d'un album avec Jerry Herman au piano et au chant Carole Dorian. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Enfin, Jerry Herman, le compositeur, a inventé aussi une technique particulière dans le monde de la comédie musicale, une technique qui va se généraliser. On va appeler ça quoi ? Le building, la montée en puissance. J'ai demandé à Ken Bloom en quoi ça consistait. Jerry's big title songs like Mame or Hello Dolly. Prenez Mame ou Hello Dolly. Eh bien, ça commence doucement, puis il y a une espèce de montée en puissance et ça devient un énorme morceau. En fait, tout cela tient à l'arrangement, c'est pas simplement la composition. Il travaille avec les arrangeurs, ils travaillent ensemble sur la progression qu'il faut amener dans le morceau. Hello Dolly, c'est un très bon exemple d'ailleurs, parce que le morceau est en répétition. Alors, il y a des paroles différentes, mais c'est l'orchestre qui fait le travail. On monte dans Les Misérables, par exemple. On monte en octave, on arrive dans les aigus, et c'est Jerry Herman, le créateur de tout ça. Un peu plus fort, un peu plus haut, l'orchestre devient de plus en plus enjoué, le tempo accélère aussi, et évidemment, le public est complètement animé et devient tout excité et a l'impression d'être sur scène, et il y a une réaction émotionnelle très forte. Jerry Herman s'est vraiment créé des gros numéros, des gros morceaux pour Broadway. Hello. Well, hello, Harry. It's so nice to be back home where I belong. You are looking swell, Manny. I can tell, Danny. You're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room swaying for the bands playing one of that gap, fellas, find me an empty lap, fellas, darling, you'll never go away again. Hello. Of 14th Street and into my personal haze. But now that I'm back in the lights of 14th Street, tomorrow will be brighter than the good old days. Tell it to me, sweet. Hello. hello, well, hello, darling. Well, hello, hey, look, there's darling. Glad to see you, Hank. Let's thank my lucky star. Your lucky star. You're looking great, Stanley. Lose some weight, I think you did, Stanley. Dolly's overjoyed and overwhelmed and overpawed. I hear the ice. Do you hear the ice tinkle? See the lights. Can you see the lights twinkle? And you still get glances from us handsome men. Look at you all, you're all so handsome. Golly gee, fellas, find me an empty me, fellas. Darling, you'll never go away again. This is Louis. Hello, Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. I am so glad to be back. Ah, you're looking swell. Thank you, Louis. Dolly, I can tell. Does it show? Dolly, you still glowing, you still crowing, you still going strong. I feel the room swaying. And the band playing one of our favorite songs, Bang Bang Wind. So it was my favorite. Show some snap, fellas. Yeah. Find an empty love. Yeah. Dolly will never go away again. Hello Dolly, la fantastique interprétation de Barbara Streisand dans le film Hello Dolly, accompagnée en bas de l'escalier par Louis Armstrong qui entame avec elle un duo qui n'existe pas à vrai dire dans la pièce de théâtre. Avec notamment pour cette chanson ce fameux build-up, cette technique de Jerry Herman pour faire monter le plaisir auprès des spectateurs. Alors Hello Dolly est de retour à Broadway cette saison avec Bette Midler et c'est Andy Einhorn qui dirige chaque soir l'orchestre. L'an dernier, il était dans la fosse du Théâtre du Châtelet. Il dirigeait une chose complètement différente, la comédie musicale Passion de Stephen Sondheim. J'ai demandé à Andy Einhorn quelle était, selon lui, la particularité de la partition de Hello Dolly. Jerry a écrit une partition qui fait que les gens se sentent bien, mais c'est comparable à Rodgers et Hammerstein parce qu'il s'agit de l'esprit humain. Quand vous entendez des paroles comme ça, eh bien, ça vous émeut. Ça vous touche au cœur, c'est plein de vie, de passion, et on se rend compte qu'il s'agit de gens authentiques avec de vrais sentiments qui recherchent l'amour, l'aventure, et ainsi de suite. Donc ça va au-delà des frontières, on ressent tous ça, c'est universel, on peut tous comprendre et vivre cela ensemble. La musique de Jerry est très directe, il n'y a rien de caché dans la musique. C'est tout à fait direct et très honnête. Et évidemment, la façon dont on énonce, dont on prononce les paroles, ça doit être sincère pour être touchant. Et tout ça, ça fait que les gens pensent que c'est très important. Donc on a créé un spectacle qui est brillant sur le plan musical, plein de vie, plein de couleurs. Quel est le numéro, Andy, le plus compliqué pour vous à diriger chaque soir? Dancing, c'est une chanson pas facile. Parce qu'il faut regarder le mouvement et la synchronisation des corps des danseurs. Et ce morceau a été construit comme une chanson avec un thème et des variations. Il y a un grand passage avec la danse, ça repose sur la mélodie. Et il faut que ça soit bien synchronisé. Il y a des petites différences de tempo dans la chorégraphie, donc il faut vraiment faire très attention à bien réagir à la façon dont les danseurs jouent. Et évidemment, c'est différent tous les soirs. Put your hand on her waist and stand. With her right in your left hand, and one, two, three, one, two, three, one, two, three. Look, I'm dancing. Well, I was. Of course you were, Mr. Hackle. Take the someone whose arms you're in. Hold on to her tight and spin. And one, two, three, one, two, three, one, two, three. Wow! I'm dancing! Turn around and turn around, try floating through the air. Should be a little more aesthetic. Don't you think my dancing has a polish and a flair? Well, the word I think I'd use is athletic. Well, my heart is about to burst. My head is about to pop. And now that I'm dancing, who cares if I ever stop? Look at me, everybody! I, Cornelius Hackle, sport and dancing! You're next, Mr. Tucker. Glide and step and then step and glide. And everyone, stand aside! He's dancing! You could learn to polka if you worked a week or so, or the tango filled with passion seething. I might join the chorus of the Castle Garden show. Whatever you do, for gosh sake, keep breathing. For my heart is about to burst, my head is about to pop, and now that we're dancing, who cares if we ever stop? Bette Midler donne une leçon de danse dans Hello Dolly, actuellement à l'affiche à Broadway. Alors peut-être que vous n'aurez pas la chance d'y assister, mais je suis revenu avec 5 CD de ce tout nouvel enregistrement et 5 numéros de Playbill, le programme distribué dans la salle. Ça, c'est vraiment pour les aficionados. Pour les recevoir, ils sont pour vous. Il vous suffit de nous écrire et de nous indiquer votre adresse. Direction donc la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous avez jusqu'à mercredi à minuit. L'album est paru chez Sony Masterworks. Merci à Xavier Combe pour la traduction simultanée. Merci à Richard Skipper, Ken Bloom, Andy Einhorn, Sandra Lee et Scott Farthing à New York. Les photos, la programmation musicale, vous retrouverez tout ça sur la page de 42e rue sur francemusique.fr ainsi que le podcast 42e rue à New York avec Laurent Vallière, préparé par Martine Moni avec Frédéric Potry, Adeline Mello, réalisation Perrine Mingui. Dimanche prochain à quelques heures de la cérémonie des Tony Awards, retour à New York pour un compte-rendu critique et musical de la saison en compagnie de la journaliste théâtre du New York Times, Elisabeth Vincentelli. Je souhaite un très très bon dimanche. Il est midi sur France Musique. Je vous laisse avec Stéphane Grant.